douceur, je suis mort. De tes cheveux, de tes couleurs, je suis mort. De ta voix, de ton cou, je suis mort. De tes lèvres, de ta langue, de tes oreilles, je suis mort. De tes mesures, de ton poids, de ton goût, de ton odeur. De tes doigts, je t'aime tant, mon malheur. Quand je pense mal de tes touches, je te déteste. Oh, je te déteste, vois, qu'as-tu fait de moi? Quand je pense mal de tes touches, je me déteste. Dans cette ivresse, oh, je t'en prie, garde-moi. Je pense mal de tes, je me déteste. Oh, je me déteste, ouais. Qu'as-tu fait de moi? Quand je pense mal de tes.